Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 35e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Ah putain non, ça l'est. Attends parce que je vais m'étouffer. Ça, je t'avais dit à faire le con, tu veux. Excusez-moi. Et comme vous l'avez entendu, toujours en forme et toujours prêt à participer, c'est Majo. Salut Majo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sei. Est-ce que tu vas bien, mon petit Majo? Bah écoute, ça va. Au top, comme tu peux l'entendre. Ouais, j'entends, ça fait... Tout ce qui me reste de poumons. Dans cette ambiance un petit peu anxiogène qu'il y a, ça me fait plaisir de voir au moins, toi, tu résistes. Voilà, c'est ça. T'as vu, mes anticorps se donnent à fond. C'est bien. Et un autre qui se donne à fond aussi, qui revient d'entre les morts, un petit peu nous rendre visite, c'est Sébastien. Salut Seb. Salut Sei. Je suis content de ne pas être, qu'on ne soit pas dans un studio tous ensemble. Oui. C'est clair. Comme quoi, des fois, être si à distance, c'est pas mal. Une deuxième fois. Me faites pas trop rire, les gars, s'il vous plaît. Ça me fait tousser. Non, t'inquiète. On va pas bien se marrer parce qu'on va parler de l'annulation de l'E3 2020. Ah ouais, tu commences direct. Direct comme ça dans l'actu, vu le climat qui en ce moment, on est bien dans le thème. Oui, l'E3 2020, on pouvait s'y attendre. On vous a parlé déjà il y a quelques semaines, même quelques mois, de la probable annulation du Taipei, qui est un autre événement qui se passait en Chine et qui malheureusement s'est confirmé juste après l'émission. Donc là, l'E3, ce coup-ci, voilà, donc tout part en couille. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Seb. Commence, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Non, c'est vrai qu'on commençait à voir déjà les gros studios qui annulaient et tout ça, donc on voyait un petit peu le truc venir, quoi. Mais avec l'actualité en plus qui s'aggrave au fil du temps, enfin en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est vrai aussi. Et donc on pouvait s'attendre quand même à une annulation de l'E3, et c'est ce qui est malheureusement arrivé. On est déjà pas riche en news et on nous annule l'E3. Voilà. C'est-à-dire que l'E3, là, c'était un petit... Enfin, maintenant que tous les... Enfin, quasiment plus aucun constructeur n'y participait, c'était uniquement l'occasion pour les studios de développement de présenter leur jeu. Ça sentait déjà un petit peu le sapin pour l'E3 ces derniers temps, les dernières annonces qu'il y avait de Sony qui n'y participait plus, Microsoft, je crois, qui participait plus non plus. D'ailleurs, ils sont pas dans le Convention Center, ils sont à part, quoi. Ils ont leur truc. C'est ça, ils font leur petit truc à côté. Ouais. Donc, c'est pas loin, apparemment, mais c'est pas dans l'enceinte de l'E3. Quoi. Au-delà même de ce qui se passe, dans l'actualité en ce moment avec le coronavirus et tous les problèmes sanitaires que ça implique. On pouvait... là, il y a une page qui se tourne, en fait. Je me demande si, après une année sans E3, et vu le déclin un petit peu de ce salon-là, les gens vont pas commencer à se demander si c'est vraiment un salon nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses, Majo. Moi, je dirais que ça va surtout dépendre de qui va profiter... À qui va profiter l'absence de l'E3. Parce qu'il y a forcément un salon qui va récupérer tous les exposants et tous ceux qui sont prévus... Enfin, tous ceux qui ont des choses... à présenter, et à annoncer, ouais. En fonction de comment ils s'en sortiront à ce moment-là, je pense que c'est ça qui va faire la différence et qui fera si oui ou non l'E3 perdurera l'année prochaine. Mais deuxième point, c'est aussi l'attention que les gens vont porter à ça. Si tout le monde dit l'E3 il n'y en a pas eu cette année, donc l'année prochaine c'est mort, et que ça ampleur et que ça prend une ampleur démentielle, c'est ce qui risque de se passer. Après, si les gens se disent il n'y en a pas cette année, ça reviendra l'année prochaine et que ça se tasse, je pense qu'il peut y avoir un autre 3 l'année prochaine et que ça reparte normalement, quoi. Après, c'est ce qui se disait aussi, c'est que à l'avenir l'E3 va peut-être changer, sera plus vraiment la même chose et sera peut-être plus axé au public uniquement pour lui permettre de tester des jeux en avant-première, ou en fait un genre de Paris Games Week, quoi, mais en plus gros, entre guillemets. C'était le cas en 2019, il me semble, non? Alors en fait, t'avavais un jour d'ouvert pour le public, je crois, et après tout le reste c'était réservé à la presse. Ouais, il y a toujours eu quand même des annonces, mais à l'avenir, je sais pas, ouais. Enfin, il y aura peut-être des annonces de fête, mais peut-être pas de personnes qui seront là pour en parler, pour les annoncer. Ce sera peut-être... Moi, ce qui va me manquer surtout, c'est le show, la hype, ce qui te donne l'intérêt et l'envie d'avoir un jeu. Parce que... Le rendez-vous, en fait, plus ouais, que... c'est ça, le fait d'attendre quelque chose. La concentration, en fait, de toutes ces annonces qu'il y avait juste pendant cet événement-là. Ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, ce qu'ils vont faire. Ils vont tous faire en fait des Nintendo Direct, ouais, bah, Sony avec State of Play, Microsoft pareil. Je sais pas si vous avez vu la conférence qu'a fait Sony sur YouTube pour la présentation du nouveau Xperia, le téléphone, le smartphone. Non, je l'ai pas vu, non. Bah, alors c'est le PDG de Sony du coup qui fait la présentation, je crois, il me semble. Et il est tout seul, quoi. Et il fait comme s'il parlait à une assemblée de gens, tu sais. Il a le même comportement, le même genre d'expression, tu sais. C'est particulier. Comme un petit peu à la YouTube, en fait, non? Comme un YouTuber qui fait face cam. Non, pas du tout. Non, il fait comme s'il était sur une scène, dans un show. Il parle exactement de la même chose. Enfin, moi, ça, de la même manière, pardon. Moi, ça m'a frappé, franchement. Ah ouais? Ouais, je t'assure, c'est pour ça que je dis que c'est très, très particulier à regarder, parce que t'as pas du tout d'ambiance en fait, le mec est vraiment tout seul. Genre il balance une vanne et puis ça tombe complètement à plat. Mais c'est un peu ça, enfin, j'ai pas souvenir qu'il balance une vanne, mais ça donne un peu cette impression là, t'as vraiment l'impression que le mec il est là pour faire le show, mais qu'il est tout seul en fait à faire le show, donc c'est un peu gênant. Ouais. Mais bon, après il a fait sa démo et ses annonces et puis voilà, donc... Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout la même saveur, quoi. D'accord. Ouais, moi, c'est ça qui risque de me manquer si jamais. Il va manquer l'interaction avec le public, justement, cette espèce de connivence qu'il y avait, notamment. Ouais. La réaction des gens quand ils annonçaient. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Un truc, un gros jeu. Ouais. Bah, bon, après, c'est la vie, hein. Il y en aura d'autres. Hein. Il y a d'autres salons qui grossissent. Et puis d'autres qui vieillissent, quoi. Après le problème de l'E3, c'est que c'est très sectorisé, quoi. Et puis ça coûte énormément d'argent, apparemment. C'est ça, ça leur coûtait beaucoup d'argent aussi, donc je pense que ça les a fait réfléchir aussi à ce niveau-là. Est-ce que ça en valait la peine? Je sais pas. Ouais. Et une autre conséquence aussi de cette pandémie, hein, parce que je pense que maintenant on peut parler de pandémie, malheureusement. Ah ben, je crois que c'est officiel, hein. C'est officiel, voilà. C'est les reports en fait qu'il y aura au niveau des sorties des consoles, parce que je vois pas bien, même si Sony pour le moment ils sont restés plutôt muets, et là à mon avis ils vont le rester encore un petit moment, il y aura pas de date de sortie de console, et peut-être même un décalage au niveau des sorties des Xbox Series X et PS5, en tout cas reporté pour plusieurs mois. Ça c'est pas une information, hein, c'est juste une spéculation de ma part. Il n'y a pas d'information encore là-dessus, mais en tout cas, je ne vois pas bien comment, avec ce qui se passe en Chine en ce moment, et puis au niveau des échanges internationaux, comment est-ce que ça va pouvoir, comment est-ce qu'ils pourraient garder un planning stable et fixe, quoi. Moi, j'ai lu un article qui disait qu'apparemment, ça allait beaucoup mieux en Chine, et que le travail commençait à reprendre petit à petit. Hein. Mmh, ouais, ça se résorbe. Ils sont arrivés à la crête, et maintenant, c'est en train de se résorber. Et du coup, ouais, ça va reprendre. Mais même, enfin maintenant, de toute façon, si ça se propage à travers le monde, le problème va rester concret et se déplacer. De toute façon, ils vont pas prendre le risque, même en Chine, d'ouvrir toutes leurs frontières et puis d'arrêter leur quarantaine, éviter de reprendre en fait le virus de la part d'un autre pays. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est une sorte de cercle vicieux comme ça de contrôle de la population. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut garder en place, quoi. Et quoi qu'il en soit, même si maintenant qu'ils l'ont donné, ils veulent pas le récupérer, quoi. En fait, c'est clair, enfin, moi ça me paraît évident. Après, ils sont pas sympas. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que ça fait entre autres partie de. Non, je vais formuler autrement. Je pense qu'on n'a pas, pas encore de communication de communication de la part de Sony. Bon, ouais, mais Xbox non plus, hein, sur le coup. Hein. Oui, mais déjà parce qu'ils attendent, au niveau des spécificités, que Xbox dévoile tout pour ensuite dévoiler les leurs, quitte à changer un peu. Non, je suis mauvaise langue. Et sinon, je pense que c'est aussi parce qu'ils ne savent pas encore au niveau de la date et tout ça, à mon avis, à cause de l'actualité. Et du coup, ils ne peuvent pas communiquer à 100% surtout, quoi. Du coup, c'est presque pas plus mal qu'ils n'aient pas communiqué mais avant. Mais on n'en sait rien, parce que ce serait amené à, amené à changer. Et le truc, c'est qu'on n'en sait rien. C'est que des rumeurs. Et à chaque fois, toutes les rumeurs sont démontées. Donc, en fait, la rumeur... Ce qui dit que la PS4 serait moins puissante que la série X, c'est aussi des rumeurs, du coup. Donc en fait, on n'en sait rien. Non, mais voilà, on ne sait pas. Donc on ne sait pas si ça sert Sony, on ne sait pas si ça les sert pas, on ne sait pas si c'est volontaire, si ça ne l'est pas. C'est ça qui est, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Ouais. Tout simplement, pas arriver à traduire les chiffres des spécificités qu'on nous donne. Hein, parce que, comme on avait vu dans une émission, 9,2 teraflops, ça veut tout à rien dire, en fait. Ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est pas la seule chose qui caractérise, en fait, la puissance d'une machine. Donc ça aussi, il faut se méfier. Bon, bref. Je vous dis, hein, c'est juste de la spéculation de ma part, mais bizarrement, tu vois, même s'il n'y a rien qui a été annoncé, ça ne m'étonnerait pas que la PS5 ne sorte pas en fin d'année, si en tout cas ça avait été prévu. Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors ce sera des petits stocks et elle sera très vite en rupture, il faudra attendre plus longtemps, parce que... ça sera un carnage, ça sera un carnage. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait pour la PS2, ça sera un carnage. C'est le meilleur moyen pour pas vendre de jeux et tout. Ouais, ce serait pas forcément une bonne stratégie, mais bon. Ça sera un suicide commercial, je pense. C'est une certitude. Non, mais après qu'elle sorte fin d'année 2020, c'était quand même annoncé au Game Awards, avec le trailer de Godfall, c'était bien marqué, quoi. Donc, pour moi, en grande pompe. Pour moi, c'est de quoi tu veux dire l'annonce au l'annonce Game Awards de la sortie, ouais. Ouais, mais parce que je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je pense qu'ils ont été pris de court et que là, effectivement, ils s'attendaient pas à ce que Xbox ils balancent tout ça comme des chacals, quoi. C'est là, ils y ont été. Spencer, il a tout donné, quoi. Ce soir-là, c'était impressionnant. À l'américaine. Ouais, mais il a bien fait, hein, parce qu'il a marqué le coup. Hein. Il a eu. Carrément. Il s'est fait énormément de com là-dessus, quoi. Premier à parler, meilleure prise de parole que Sony, que PlayStation, pardon. Donc, il avait tout gagné dans sa démarche. Mais c'est pour ça, je pense que Sony a été pris de course dans l'annonce, mais pour moi, ça change pas les plans et la date. Hein. C'était marqué, ça devait se faire comme ça. Maintenant, effectivement, le fait qu'on sache rien, tout le monde imagine tout et n'importe quoi, et puis. Justement, tu fais comme ceux qui imaginent tout et n'importe quoi, regarde. En fait, Sony était même au courant du virus, regarde, parce que PlayStation 5, le 5, ça fait V en chiffre romain, V, virus, voilà. Tout est dit. C'est ça. Tout fait sens. Ouais, tout fait sens. Le Japon étant limitrophe à la Chine, c'est tout est lié. Ils se sont dit, on va pas le faire partir de chez nous, c'est trop gros, on va faire partir d'à côté. C'est et trop voilà. Scred, ouais. En fait, tout était dit. C'est une théorie. Mais en tout cas, vous pourrez pas dire que chez VR4 Player on dit que des conneries, hein, parce que franchement. Non, on est très sérieux dans ce qu'on dit. Tout ça a du sens. Voilà. Bon, on va continuer dans les news. Les vrais coups-ci. Majo, tu voulais nous parler un petit peu de VenVR, dont on avait déjà parlé en émission, mais il y a quelques petites nouveautés. Ouais, donc Ven, quelques nouveautés. Alors, il n'y a pas non plus des masses, mais donc c'est un petit jeu avec le Lombax, là, Lombax, ouais. Qui ressemble très fortement à Ratchet de Ratchet & Clank. Et en fait, donc le studio, ils ont l'envie de nous faire partager en fait tout ce qu'ils font et toutes leurs avancées, et je trouve ça plutôt cool. Ils sont actifs en tout cas sur leur chaîne YouTube apparemment. Ouais, alors sur leur compte Twitter, sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils ont un compte Facebook aussi. Et en fait, ils mettent toutes les vidéos de leurs avancées en gros sur leur chaîne YouTube. Donc je trouve ça très sympa, là ils ont posté une vidéo de gameplay sur les phases de combat sur une espèce de grenouille à trois yeux. Je trouvais ça marrant. Et donc on voit le Lombax qui il a deux espèces de fossiles et puis il fait les petites attaques comme ça, il saute un peu partout. Et puis ils en ont balancé une dernière, là je crois que c'était la semaine dernière, où ils ont mis en avant un peu plus les graphismes avec des très jolis effets de particules au contact des armes, donc avec les attaques, avec les grosses attaques, les attaques puissantes, je vais y arriver. Et puis voilà, donc je voulais saluer la démarche aussi parce que je trouve ça super sympa et super hypant en fait de communiquer comme ça sur l'avancée d'un jeu. Et c'est comme ça que tu te crées une communauté en plus. Hein. Ben voilà, tout à fait. Et puis voilà, en ces temps un peu moribond en termes de news et d'informations sur un quelconque jeu VR, je trouve ça bien. Voilà. Donc je voulais vraiment saluer le geste et puis allez-y du coup parce que c'est assez joli comme jeu et ça a l'air très prometteur. D'accord. Et c'est Monologic Games en fait. Et tu as jeté un petit coup d'œil toi Seb à ce jeu-là? Ouais, j'ai vu un petit peu. Comme il le dit, ça fait penser un peu à Ratchet & Clank, effectivement avec un côté du coup un peu beat'em all, dans l'aspect des combats. Combat, ouais. Mais et c'est bien parce que c'est vrai que sur PlayStation VR, on n'a pas trop de jeux dans ce genre-là. Non. Enfin, on fait vite le tour, quoi. Et tu me diras, même sur les autres plateformes, hein, à part le Keystale, qui peut s'en rapprocher un peu. Il y en a eu quand même un petit paquet, Ghost Giant, Astrobot, Moss, c'est un peu le même strip. C'est pas encore tout à fait pareil pour moi. Bah moi, c'est un peu de combat aussi, quand même. Hein. Il y a l'anime du combat. Ghost Giant, pas du tout. Hein. Ghost Giant, c'est vraiment... Mm-hmm. Non, mais je parle dans la forme, dans le principe de déplacement, la troisième personne, tout ça. Ouais. Avec un peu cette vue, tu sais, pas God Mode, mais un peu surélevé. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Après, ça reste un jeu de plateforme. Et tu as dit quoi, là, Sei ? J'ai cru entendre Crash. Non, j'ai dit que c'était trash, comme tu veux. Ah, trash. Parce que du coup, je me suis dit, putain, ouais, un Crash Bandicoot en VR, ce serait quand même super cool. Bah, c'est un peu le même trip. Hein. Mais ça arrivera peut-être, hein, sur PS5. Si ça peut le faire. Un jour. Ça peut le faire. Oui. Ou pas. On verra. Et ouais, moi, il me dit bien ce jeu-là quand même. Et comme tu disais, en plus, les effets de particules, j'ai... aparté complet, c'est un truc. Qui est super important en fait dans les jeux VR, les effets de particules, mine de rien, vous savez, les espèces de petits effets de poussière ou de gouttes que vous avez tout autour de vous, des fois même qui peuvent surprendre dans certains jeux, là. J'en ai pas forcément en tête, mais cette génération de consoles est réputée pour s'appeler la génération des particules. Mais c'est d'autant plus saisissant justement en réalité virtuelle d'avoir l'impression vraiment que même l'air qui t'entoure. Et ça donne une impression de physique. Dans plein de types de jeux différents, d'ailleurs, parce que dans Tetris, ils jouent énormément avec les particules, par exemple. Tetris VR aussi. J'ai toujours trouvé ça cool, ça. J'aime bien. J'aime bien les particules. Ça fait son petit effet. Ouais, voilà. C'est ça. J'aime bien. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, il y a Form de Charm Game qui a une date de sortie, enfin. Qui prend forme. En forme, putain, je comprends pourquoi tu n'y es plus en fait. Hein. Putain, entre l'autre qui tousse, tu vois, voilà. Qui balance des vannes pourries. T'es en train de faire crever Majo là, ça va pas et tout. Donc, Form, oui, qui avait été annoncé ou qui était dispo, je crois, depuis 2015, non, qui a été annoncé en 2015 par le studio, sorti en 2017 et qui devait sortir normalement en juin 2017 sur PSVR, et après on n'en a plus entendu parler, et enfin il est en train de montrer le bout de ses formes avec une date de sortie. Toi aussi, moi aussi je peux faire des vannes de merde, hein, si tu veux, donc et donc ça sera le 7 avril. Donc c'est un jeu, on va dire, une ambiance futuriste à la Tron, assez épurée, assez classe quand même, je trouve, et c'est un jeu d'énigmes qui se joue au PS Move. Et voilà, vous l'attendez celui-là ou vous en avez même jamais entendu parler, ça vous intéresse pas? Voilà. Moi, pas de masse. Non, je soutiens les petits studios, mais c'est vrai que pour le moment, il y a des limites. Pas spécialement. Non. Bah, c'est comme tout, de toute façon, on voit pas trop, faut l'essayer en vrai, voir ce que ça donne avec le casque sur la tête. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude. Voilà, développeurs, si vous nous entendez, sortez des démos, c'est important. Ouais, s'il vous plaît, surtout en VR, quoi. Il faut nous aider. Carrément, pour savoir, pour se faire une idée, quoi. Pour se faire une idée, c'est ça. Même 5 minutes. Hein. Même si c'est moi ce que j'allais dire, 5-10 minutes, ça suffit largement, histoire qu'on ait une idée, qu'on voit un peu l'environnement, les graphiques. Faites comme Starshide, faites une démo, faites baver le jeu, et après vous l'annulez. Sortez le jeu quand même à la fin. C'est super. Ah, je l'ai encore en travers, tu vois. Ah, je vois. Rien n'est officiel. C'est vrai. Et pour Farm, ouais, ça me fait penser un peu à un jeu que j'avais testé à l'époque pour VR 4 Player. C'était Esper, je crois, ça s'appelait. Il me semble. C'était un petit jeu d'énigmes aussi où tu étais dans une salle qui était en perpétuelle mutation. C'était une ambiance plus à la Portal 2. Et ouais, j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça, celui-là, je l'attends pas nécessairement comme un ouf. Hein, mais je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il donne. Pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas croquer la pomme. Bah, c'est-à-dire que les, tu vois, tout ce qui est puzzle game, ça n'a jamais été trop mon délire. Enfin, en plat, avant la VR, je veux dire. J'en ai essayé 2-3, notamment Blind Spot, que j'ai trouvé vraiment très bien. Et j'avais beaucoup aimé aussi dans Doctor Who, cette petite partie puzzle game au départ. Donc en VR, c'est différent. Ça peut aussi avoir son intérêt. Donc c'est pour ça que je me répète, mais vraiment à essayer. Je pense à essayer quand même, parce que ça peut être pas mal. Et il se prend quand même à 9 sur 10 sur Steam. Hein. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, ça attise des curiosités quand même. Ouais. Voilà. Exactement. Dans un autre genre aussi, on a. C'est pas vraiment une date, hein, c'est plutôt. On sait qu'il va sortir. Pareil, c'est un jeu qu'on vous a présenté il y a. il y a bien un an avec Limey Spanks sur, sur PC, c'est Final Assault de Fatherlock Interactive. C'est un jeu de stratégie qui se base dans une ambiance de Seconde Guerre mondiale très cartoon, très mignon, très, très maquette en fait quand on joue, qui est vraiment bien sympa. Très nerveux aussi mine de rien parce que t'as intérêt de bouger quand tu joues. Et donc il va sortir enfin sur PSVR courant avril. Donc encore un truc qui sort en avril. Et qui est pour le coup, j'en atteste, est vraiment une bonne pioche quoi. Quand t'aimes les RTS, c'est joli, bien réalisé, mais avec du contenu. J'ai une question, pourquoi il n'y a pas de com sur ces jeux? C'est la même com en fait, j'ai l'impression que tous les jeux indés qui sortent en VR, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, les seuls qui font de la com dessus, c'est les petits sites comme nous, c'est des youtubeurs, c'est... Et les gros sites n'en parlent pas quoi. Si peut-être qu'ils font de la com, mais sur leur page respective du studio et tout ça. Mais nous on le voit pas. Pourquoi Sony n'en parle pas? Pourquoi Sony balance pas les trailers ou des trucs comme ça là pour l'instant enfin? Ah bah ça je ne sais pas. Faudrait demander à Sony ça. La prochaine fois qu'on les aura, on leur demandera. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas plus mettre en avant ce type c'est de. C'est sûr. Bah là, on en revient après à la politique PSVR de Sony depuis des mois voire des années. Comment ça se fait qu'ils mettent pas autant le PSVR en avant, est-ce que c'est à force de se prendre des coups de massue à chaque fois qu'il communique dessus, de se faire troller, on sait pas, est-ce que ça... Ouais, bon, il y a une limite entre ne rien dire, enfin, en dire énormément et ne rien dire, quoi. Il y a un juste c'est milieu. Vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est dommage. Et un truc qui est bien en plus avec ce jeu-là, c'est qu'il est cross-platform, c'est-à-dire qu'en fait, si vous l'avez sur PSVR et que vous voulez... Ça, c'est bien. Jouer contre des joueurs PC, sachant que c'est exactement le même gameplay et qu'il n'y aura pas du tout, il n'y a pas ce problème toi, de move ou de souris clavier manette. Là, c'est tout avec les contrôleurs, ça se joue que comme ça. Et ben donc, les joueurs PSVR peuvent jouer contre les joueurs PC et vice versa. Donc, ça c'est carrément bien. Et il est tout en français en plus. Faut que ce soit bien fait, quoi. Que ce soit facile de trouver une partie ou de rejoindre un ami sur PC. Parce que Spanks me disait que par exemple, Space Junkies. On peut jouer avec des joueurs PC, mais quand tu essaies de faire une partie pour rejoindre un ami de PSVR à PC ou inverse, apparemment c'est assez galère. Techniquement, donc, c'est long, non? Ça lag? Alors je sais pas trop, il m'a pas détaillé la chose, mais apparemment c'est pas très très bien fait, c'est un peu galère de pouvoir se connecter ensemble, de se retrouver, et donc faudra voir la manière dont c'est fait. Ouais. Non, puis que... il était quand je vous ai regardé jouer avec Spanks, il est quand même très joli. Hein. Il a l'air assez beau graphiquement et tout. Franchement, ça. En fait, il est très fin. Il est super coloré et comme t'es vraiment au-dessus de la map, t'as vraiment l'impression d'avoir une petite maquette devant toi. C'est ce que j'allais dire. Ça donne vraiment l'impression de jouer aux petits avions, à la guéguerre avec ton frère ou. Complètement. Ou un copain quand t'es enfant, quoi. Petit pic gratuit. Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même mieux fait que Quark, quoi. Ouais. À chaque fois que tu viens en émission, toi tu cours, tu le. Tu aurais une petite crotte de nez comme ça, gratos. Mais non, mais c'est parce que c'est un jeu similaire. Donc là, pour le coup, j'ai un point de comparaison. Non, c'est carrément pas la même catégorie. Pour avoir joué aux deux, non, clairement pas. C'est pas la même catégorie. Final Assault est bien meilleur en tout point. Ça, c'est... Et t'as vu, en plus, ils ont rajouté un mode solo là, depuis quelques temps. Il y a un mode solo, après, c'est un mode campagne. C'est... Ouais, c'est le mode campagne, ouais. Où tu peux jouer soit le mode histoire en solo, soit tu peux jouer en escarmouche, donc contre l'IA. Ouais. Et donc c'est bien aussi pour ce genre de jeu-là, qui est principalement multijoueur, de proposer du contenu solo, je trouve c'est bien aussi. C'est ça, il est plutôt bien fait en plus. Hein. Enfin, la campagne est vraiment bien faite. Enfin, j'en dis pas plus, vous découvrirez, mais par contre, il faut s'accrocher, il faut être au taquet, parce que c'est... Moi, j'ai trouvé que le niveau était assez balèze. Quand même. Mais les parties ont l'air longues quand même, non? Moi, c'était rapide. Mais... c'est pas vraiment. Bon, alors quand tu sais jouer, les parties ont l'air longues. Voilà. Alors, une partie, on va dire, à armes égales avec un pote qui a à peu près le même niveau que toi, ça peut durer une demi-heure facile. Quoi. Facile une demi-heure. Après, tous les jeux de ce type-là, c'est à peu près. C'est ça. Mais hein. C'est bien, c'est cool, hein. Ouais, c'est super cool. Non, en tout cas, c'est celui-là, j'allais dire, je l'attends sur PSVR maintenant parce que je l'ai déjà sur PC. Mais j'espère en tout cas qu'il sera aussi fameux sur PSVR que sur PC. Voilà. aussi réussi. Bon, il n'y a pas de raison. Non. Bah, graphiquement aussi, j'espère qu'ils vont bien réussir à l'optimiser pour le PSVR. Ouais, ils vont enlever quelques buissons, ils vont lisser. Ouais, je pense. Il est vraiment pas gourmand, hein, celui-là. Il est vraiment, vraiment pas gourmand. Et puis, comme il est très, très, très, très coloré, en fait, ça fait tout de suite des graphismes très, très jolis. Et puis, les maps sont pas énormes non plus. Hein, faut le dire. Non, mais aussi, ça a l'air, à mon avis, vu le nombre d'unités que t'as au sol, les avions, tout ça, je pense que ça doit manger un peu. Hein, la ressource, ça doit. Et puis, le gameplay est vraiment sympa. Je vous invite à voir la preview sur le site. Pour voir vraiment à quoi ça ressemble, mais le fait de faire des tracés à la main entre guillemets avec les PS Move, ouais, c'est classe. De des unités, hop, tiens, toi, hop, tu sélectionnes et puis tu fais un tracé avec la main pour dire toi tu vas aller là-bas, hop, c'est assez instinctif, tu prends vite le coup. Les avions pareil, ça c'est super sympa plutôt que de cliquer comme à la souris sur l'ordi. Là du coup ça donne vraiment un intérêt à la réalité virtuelle parce que tu joues vraiment différemment, quoi. Et c'est facile de se déplacer, pardon, sur la map. Ouais, en fait, tu agrippes le vide avec ta main et tu tires et ça te bouge, toi. Tu agrippes et tac, tu tires. Ah, c'est très radiophonique ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de faire les gestes en même temps là. Mais bon, vous avez compris le principe. Tu peux le refaire, j'ai pas bien vu. Alors toi, tu agrippes et tu tires. Ah oui, j'avais essayé le. Tu tires ou tu pointes ? J'avais pas vu. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est même pour les novices, en fait, c'est très facile à prendre en main parce que c'est extrêmement instinctif. Mais faut être partout. C'est-à-dire que voilà, après, faut du level pour pouvoir maîtriser un petit peu les combats. Tu regardes de partout, faut voir exactement tout ce qui se passe parce que très très facilement, tu peux te faire complètement déborder par l'équipe adverse et là après c'est la débandade. J'avoue qu'à deux ça doit être marrant, tu dois bien te marrer quand même. Ouais, c'est excellent, franchement. Puis tu têtes une taunte, tu te balances des vannes, tu fais de l'intimidation, de la mauvaise foi, enfin bref, c'est un bon jeu pour troller, quoi. Ouais, bah, faudra qu'on s'en fasse un, ça y est, mais si tu me laisses gagner. Bon, y a pas de mal, je dois être aussi bon que toi, donc y a pas de. Ah bah, c'est parfait. Je crois que c'est Spanx qui a gagné d'ailleurs dans ton test. Il m'a fumé. Il m'a fumé. En même temps, j'essayais d'hoster la vidéo et lui il parlait pas, c'est enfoiré. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai, je m'en rappelle aussi. Il a dit qu'il le faisait exprès. Ouais. Quel escroc. Quel salaud. Ok, donc ça c'était pour Final Assault, donc courant avril, RTS qu'on vous conseille et qu'on vous fera en test en bonne et due forme sur VR4Player dès qu'il sera sorti. Ensuite, Sébastien, mon bon Sébastien, tu voulais nous parler de Iron Man. Ouais, et en fait j'ai pensé à un autre truc aussi, si ça t'embête pas, très rapidement, que je pourrais aborder en concordance. Qu'est-ce que je parle bien. Non, je veux pas. C'est moi qui décide. Oui, déjà Iron Man VR, je voulais juste dire que il y a eu une petite news avec d'une petite fuite. Comme quoi, il y aurait des codes sur le PS Store qui confuitaient, des codes sources indiquant une démo qui devrait arriver, donc de Iron Man VR. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui savent pas trop à quoi s'attendre du jeu, qui savent pas si ça va leur parler ou pas. Du coup, voilà, normalement, je vois pas pourquoi ça se ferait pas dans les semaines ou mois, je sais pas trop, qui viennent, on devrait avoir une démo. Alors en même temps que la sortie du jeu, peut-être aussi. Ouais, ou en même temps, je sais pas, on verra bien. Mais bon, je pense que voilà, c'est une question de semaine quand même. Si c'est déjà sur le store, pas en ligne, mais si c'est déjà sur le store, ça devrait pas trop tarder. Parce que je crois qu'il y avait la démo de Final Fantasy VII qui avait fuité comme ça et qui est sortie peu de temps après. Si c'est le cas, en tout cas, c'est plutôt bien parce que ça prouve qu'ils croient en leur produit et qu'ils ont envie de lancer une hype sur ce jeu-là aussi. Celui-là, j'ai envie de te dire, vaut mieux parce qu'à mon avis, la licence Iron Man doit coûter cher. Ouais, c'est vrai, surtout en ce moment. Ouais, et puis comme il a mitigé à ses tout débuts, et puis qu'après les discours n'étaient plus les mêmes, je pense que les gens, du coup, ils savent vraiment pas à quoi s'attendre, ils doivent être un peu partagés. C'est vrai. Moi, je maintiens ce que j'ai dit, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai essayé à la Paris Games Week, je l'ai trouvé très bien. Pour ce que j'en ai vu. D'accord. Donc là, on pourra l'essayer tranquillement. Ça se trouve, ce sera la même d'ailleurs. Probablement. Et l'autre chose que je n'ai pas le droit de dire, du coup, eh bien, je ne le dirai pas. Voilà. Vas-y, je rigole. Et je voulais aborder la spéculation. Très bien, merci Sébastien. Alors donc, ensuite, on va passer en prix. Vas-y. Pas, hein, si t'as besoin. Vas-y. Vas-y, non, je voulais aborder les spéculations sur Worms 2020. Worms. Sur Worms. Ah ouais, alors là, je veux bien que tu m'expliques parce que j'ai pas tout suivi. Ouais, en fait, il y a eu, un teaser de fait d'un nouveau Worms, Worms 2020. Et en fait, donc il n'y a pas d'image et tout, il y a juste un petit teaser vidéo. Et dans ce teaser vidéo, ils disent, jouer à Worms comme jamais auparavant, d'une manière unique ou autre, je ne sais plus exactement les termes. Et tu vois un Worms qui éclate une télé cathodique dans la vidéo, avec une batte de baseball. Et donc, tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être une autre manière de jouer ? Sans télé, est-ce que du coup ils cassent la télé et on n'a pas besoin de télé? Parce que bon, la télé cathodique, on s'en doute que on passe pas de la télé cathodique à la télé standard, parce que bon, ça fait depuis un petit moment déjà. Un Worms en 3D, ça s'est déjà fait aussi. Un Worms sur Android, ça s'est déjà fait aussi. Donc il reste quoi? Il reste la réalité augmentée, la réalité virtuelle. À moins que ce soit un passage de Worms en 4K, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt pour le coup. Une licence comme Worms, je pense. Ouais, puis alors communiquer sur une nouvelle manière de jouer en faisant un Worms 4K. Bon. Ou alors la dernière aussi, théorie. Hein. Comment tu dis? Ah, Worms, sur le cloud. Worms Stadia sur le cloud. Ah oui, peut-être. Oui, ouais. Ou... La nouvelle façon de jouer, le futur, waouh. C'est vrai. Ou ça alors. Ça fait bien chier, mais. Ça ferait bien chier, ou alors ils ont vu totalement le gameplay, et du coup c'est pour ça qu'on jouera comme jamais auparavant. Mais je ne sais pas trop. J'espère pour la réalité virtuelle, mais comme on avait déjà eu le coup pour Outlast 2, où on y a cru dur comme fer jusqu'au bout, en plus ils ont teasé une affiche avec des gars avec des casques et tout, on s'est dit « Ah c'est bon !» Et en fait, ils sont bien foutus de notre gueule. Hein. Ils vont faire pareil, hein. Ils vont faire un Worms multijoueur. Ah, il y en a déjà. Enfin, mais t'as déjà Worms World Party. Depuis Worms World Party, c'est multijoueur, même pas local, quoi. Ouais. Avec des Worms sur la même map. Bah ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je suis pas un spécialiste du Worms. Worms World Party, mais... ouais, il me semble. Mais non, je savais pas que ça existait. En plus, t'as eu même les Worms 3D. Ouais, c'est ça. T'as eu le Worms plein de choses, quoi. Fort ou je sais pas quoi. Là. C'était un 3D aussi dans des forts, simplement. Bon, désolé les gars. Donc voilà, j'y crois et j'espère en tout cas que Worms 2020 sera un jeu en réalité virtuelle, parce que on avait eu Angry Birds, lui qui était passé à la VR par exemple. Donc pourquoi pas Worms? Voilà. Ça le ferait bien, quoi. Ça le ferait bien. Au revoir. Donc voilà, ça reste de la spéculation, bien entendu. Il y a aucun fait là-dedans. C'est juste on essaie quand même d'interpréter les informations qu'on a et les petits teasings comme ça des développeurs, parce que c'est toujours marrant en plus d'essayer de se projeter dans ce genre de communication, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, j'avoue. Donc voilà, ça c'était pour Worms 2020. On va passer aux tests maintenant, les quelques tests qu'on a fait ces derniers temps. Ouais. Et notamment séparation du studio Recluse Industries. Bah là on est en séparation de Mojo, je crois qu'il est en train de mourir. Ah. Non, je suis là, pardon. séparation, on s'inquiète pour toi. C'est non, mais tout va bien, les gars, tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai pas de fièvre, apparemment, si j'ai pas de fièvre, tout va bien. D'accord. Donc du coup, c'est Cyril qui s'est collé au test. Oui. Et il a beaucoup aimé le jeu, il a énormément aimé l'ambiance. C'est quelque chose d'assez personnel, c'est vraiment un voyage solitaire que tu fais. Et du coup, onirique, si c'est. Oui. Ouais. Merci. Je t'en prie. Et du coup, ça lui a beaucoup plu. Alors, les avis sont assez partagés, même chez nous, donc chez VR4Player. Du coup, je vais vous demander un peu ce que vous en pensez, et puis je vous donnerai le mien après. Donc, Saïd, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je l'ai essayé, du coup, quelques heures. C'est pas très beau. C'est coupé à la serpe. C'est un walking simulator, en gros. Moi, j'aime bien. Je sais que ça peut paraître un terme péjoratif, walking simulator. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de jeu, surtout en VR. Ça te permet de te poser, d'avancer à ton rythme, sans pression, en profitant des décors, quand ils sont jolis, en tout cas. De marcher sans te fatiguer. Voilà, en plus, et faire du sport à peu de frais. Et aussi, il y a quand même pas mal d'énigmes aussi, de casse-tête à résoudre dans ce jeu-là, qui ponctue ton avancée au fur et à mesure. Voilà, c'est en gros, c'est ça, en tout cas, dans la forme séparation, c'est ça. Alors, graphiquement, je suis d'accord avec toi que c'est coupé à la serpe. Maintenant, ça a quand même. Il y a quand même quelque chose de particulier. Il y a quand même une ambiance, ça colle, si tu veux. Même si effectivement, t'as des, quand tu regardes les montagnes des fois, c'est des blocs de polygones qui sont posés les uns sur les autres et posés par-dessus, ça se voit, c'est flagrant, mais t'as quand même un petit quelque chose qui se dégage. Moi déjà, ce qui m'a frappé, c'est le cycle jour-nuit. Oui, qui est vraiment cool. Ouais, qui est très très bien fait, et ça met... ça a son importance quand même dans l'environnement. Et je trouve ça pas mal. Après, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit un walking simulator. Ça t'aime ou t'aime pas. Alors en VR, ça peut être peut-être un peu moins redondant que en flat ou pas. Mais moi, j'avoue que je n'aime pas trop ce genre de jeu. Maintenant, si t'as la moyen de te déplacer vite, c'est toujours pareil. Je me dis pourquoi pas. Et tu te déplaces assez vite hein, dedans, d'ailleurs, j'aime pas. Ah non, moi je suis pas d'accord. J'ai trouvé. Je suis pas d'accord parce que dans le gameplay déjà t'as pas d'option de confort. Ouais. T'as rien du tout. Et surtout tu te diriges avec la tête. Donc là où tu regardes tu avances. Sauf que si ton joystick il est légèrement décalé de ta vue, que tu veux comment dire strafer, tu peux pas. Ou alors tu strafes mais très très lentement, donc t'es toujours obligé d'avancer de manière frontale quoi, donc c'est va tout droit et puis regarde pas trop autour de toi. Et ça, moi, ça me dérange justement dans les walking simulators, parce que quand tu marches, surtout en VR, t'as envie de regarder le paysage, et c'est quelque chose aujourd'hui qui dans ce genre de jeu pour moi est rédhibitoire quoi. Ça me casse l'immersion et ça me bloque. Et quel cas en plus dans quasiment tous les jeux FPS que t'as, qui sortent en ce moment, hein, parce que je vois Walking Dead, c'est pareil, hein, là où tu regardes, tu y vas. Après, t'as plus d'options hein, dans Walking Dead, mais c'est le cas aussi. Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en général, tous les gros jeux FPS ou tous les jeux récents qui ont été développés et sont sortis récemment, pas des portages ou des réadaptations, se transposent au move en déplacement, parce que ça se joue qu'à la manette aussi, c'est vrai. Et quand tu as l'adaptation move, en général, c'est le fait de pointer ton move qui te fait avancer. Là, si tu repasses sur une configuration manette, je vois pas pourquoi tu gardes pas cette configuration classique que tu peux avoir dans un jeu flat. Je t'avoue, ça m'a pas choqué ça. Ouais, moi, c'est quelque chose d'assez rédhibitoire. Enfin, justement, je te dis, dans un walking simulator, quand tu marches, ce que tu veux, ça, enfin, ce qui te permet de faire passer le temps quand tu marches, c'est de regarder autour de toi. C'est naturel. Et tu sais, c'est ce qui fout la gerbe aussi, hein, à certaines personnes. Par exemple, quand tu mets ton stick en avant comme ça, et que tu regardes sur le côté, et que ta marche ne suit pas ton regard, il y en a beaucoup qui ne supportent pas justement ce type d'effet-là. D'accord, mais dans ces cas-là, tu mets des options. Ouais, c'est vrai. Ça, par contre, il n'y a pas d'excuse hein, là-dessus. Et pour revenir au décor, parce qu'on parlait de ça au départ, pour revenir au décor, j'ai eu... Je crois que je l'ai pas encore terminé. Hein. Je suis arrivé à un peu plus de la moitié du jeu, mais j'ai eu des passages quand même, par contre, assez saisissants. Il y a un ou deux passages où vraiment le décor est grandiose, il t'impressionne même, et là tu te rends vraiment compte justement de l'immersion que peut apporter aussi la réalité virtuelle. Et j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de dire quel passage c'est exactement. C'est une référence à un film que j'aime bien aussi. Et donc voilà, il y a des petits moments de bravoure quand même dans ce jeu-là, parce que je l'ai quand même bien taillé depuis le départ en disant que c'était coupé à la serpe, etc. Ça n'empêche pas que même si les graphismes sont un petit peu pauvres et un petit peu PS2, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des passages de par la mise en scène et du gigantisme en fait des décors. Ouais, ça c'est vrai, c'est assez flagrant. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment une ambiance dans ce jeu qui est très particulière et qui fait qu'il y a quand même une envie de continuer d'avancer et de savoir un peu ce qui se passe après quoi. C'est pour ça qu'on est assez partagé, je te dis, même chez nous à VR 4 Player, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, et il y en a chez qui ça a bien collé et d'autres un peu moins. Moi je te dis, je suis un peu mitigé, enfin je trouve que l'ambiance est bonne et j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe après. C'est le principal d'un titre, en tout cas. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Après, ça dépend de ce que tu recherches. Effectivement, si tu arrives à faire abstraction des graphismes, qui, encore une fois, c'est coupé à la serpe, mais ça reste lisse. T'as pas ou très peu d'aliasing. C'est vraiment quand tu regardes au fin fond. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de ce jeu. Donc, je suis assez d'accord avec l'avis de Cyril, tout en étant un peu opposé sur certains trucs. T'as envie de lui laisser sa chance, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut quand même lui laisser sa chance, ouais, tout à fait. Alors, un autre truc aussi, c'est que le jeu est en français. En tout cas, sous-titré en français. J'ai une petite anecdote aussi là-dessus. On va dire qu'il est doublé aussi en français, mais en fait non, pas vraiment, parce que c'est des effets. Il est doublé en français. Il est doublé en français, mais je vous salue Marie, etc. Voilà, c'est ça. Boucle. Qui est un petit peu déformé, etc. Ça t'a pas gêné, ça, justement, quand t'as joué ? Un petit peu. Ah, parce que. Mais après, j'ai trouvé ça pareil, particulier. Enfin, je me dis que ça colle à l'ambiance, quoi. T'es tout seul. C'est déstabilisant, quoi, un petit peu. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, il y a un truc. De lire un truc en français, les sous-titres en français, et d'entendre une voix en français dessus, mais qui raconte absolument pas ce qui. Mais en fait, c'est la prière. Non, mais elle dit le « Je vous salue Marie ». Oui, c'est ça. C'est ça. Elle récite le « Je vous salue Marie », en fait, et c'est des bouts qui sont de cette récitation, pardon, qui sont superposés et mis les uns sur les autres à différents volumes, en plus. Donc, tu as l'impression, des fois, que tu as deux personnes qui parlent, alors qu'en fait, c'est toujours la même. Mais, c'est très spécial. J'avoue. Un parti pris. Ah, ça rajoute en plus un petit peu le côté mystique de l'aventure, qui est clairement ça. Hein, c'est une épopée personnelle. Le créateur, de toute façon, se le cache pas. C'est un exutoire, en fait, pour lui. Et voilà, le jeu qu'on peut pas vraiment conseiller, en fait. Enfin, je sais pas. Ça dépend plus dans quel état d'esprit tu te trouves pour jouer, pour être suffisamment réceptif à ce type d'expérience ou pas. En tout cas, toi, t'as préféré Eden Tomorrow, en fait, dans un genre. Bah, Eden Tomorrow, il est plus interactif. Beaucoup plus cinématographique, en fait. Mais énormément plus, et surtout, t'as beaucoup. Enfin, c'est pas qu'un walking simulator, c'est vraiment un jeu d'aventure avec des phases d'action, avec des phases contemplatives un petit peu qui sont un peu similaires justement à Séparation. Mais voilà, c'est très différent comme titre. C'est vraiment très très différent. Mais j'ai préféré quand même Eden Tomorrow parce que voilà, plus cinématographique, plus grand spectacle, plus baroque, plus cool, quoi. Bah oui. Bah, il est plus récent. Puis celui-là, Séparation, c'est pas un jeu mobile. Au départ, je sais pas, peut-être, ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il me semble. Je sais pas vérifier. En tout cas, voilà. La musique est sympa, assez discrète, mais elle fait bien le taf, je trouve. Ouais, il y en a pas. Oui. Ouais. Bah c'est ciblé en fonction de là où tu te trouves, c'est toujours pareil, c'est bien calé en fonction de l'ambiance, c'est particulier, encore une fois. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, allez voir le test, allez voir la vidéo de Cyril sur ce jeu là voir si c'est le genre de trip que vous aimez ou pas. Il se termine en 2-3 heures environ. C'est pour Cyril, en tout cas, une réussite totale. Moi, je le mettrais pas parmi mes jeux préférés du PSVR, mais pourquoi pas, c'est un bon encart pour la suite, quoi, qui va arriver sur PSVR. C'est une petite aventure onirique. Voilà, voilà, exactement. Voilà, qui mérite quand même d'être découverte. Donc voilà. Je crois qu'on a un invité surprise. Dis donc. Oui, bonjour. Salut, hein, ça va ? Oh, encore une grosse voix. Oui, ça va, et vous ? Oui. On pensait que tu étais traumatisé par le discours de Macron. Pas vraiment, non, en fait. En fait, les enfants étaient tout flippés par tout ça, donc du coup, on a regardé un bout de Pirates des Caraïbes, et puis après, ils ne voulaient plus dormir. Donc on a Jean-Michel Sature ce soir, c'est ça ? Attends, je vais le reculer un peu. Là, ça va mieux ? Ça va mieux. Ouais, c'est mieux. Attends, tac. Alors, est-ce que tu portes des lunettes ? Je devrais, mais je les porte jamais, pourquoi ? Est-ce que tu as une moustache ? Non, j'essaie de deviner qui est l'invité surprise. J'ai pas besoin de le présenter. Il a pas de cheveux. Des cheveux. Comment ça, ça dépend des jours. Donc alors attends, je baisse le mon chat. Quand tu mets ton chat sur ton crâne, ça compte pas ça. Tu mets mon chat. Postiche. Non, il a une boucle d'oreille. Et voilà, c'est Laurent. Ouais, ça, c'est pour faire le pirate. C'est Laurent. Ok, alors, tu es Laurent. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour, Laurent. Plus grand fan. Je passais par là. Notre plus grand fan de Xbox. Je suis un des plus fervents suiveurs de VR4Player. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je passais par là, j'ai dit, bon, bah. Je vais passer par là, j'ai dit tiens, je vais aller leur faire t'as un vu la coup lumière, t'es venu. Faut d'ailleurs voilà. Que je fasse des restrictions justement d'invitation sur Discord pour éviter d'avoir des boulets comme ça qui viennent à l'improviste. Et surtout qu'à 4, je sais pas si c'est autorisé. Avec non, c'est interdit. C'est interdit, au-delà de 3. Bon, bah, en tout cas, bienvenue, ça nous fait bien plaisir que tu puisses venir. D'ailleurs, tu vas commencer directement. Oh putain, ça y est, d'entrée, paf. Boum. On va te faire travailler. Comme ça, sans préliminaire. Tu vas nous parler de Free... putain, je voulais pas le dire. À sec. Putain, vous êtes violent. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est parce qu'on t'aime bien, c'est que de l'amour, tu sais bien. Laurent de la mousse là. Donc Freediver, Triton quoi donc Triton Down. Pardon. Triton Down. Oh putain, en plus il y a cette merde. C'est ton quand même. Alors Free dit Triton Down. C'est Freediver ou Freediver? Ah, on en a parlé avant l'émission, donc je me suis déjà fait tailler. Donc... D'accord. Ah, c'est quoi alors Freediver? Ouais. Ouais. Bon. Ouais. C'est ça. Ouais. Bouche-toi les oreilles. Alors, Freediver. Alors, par où je commence? C'est un jeu de plongée. C'est l'hymen. C'est un jeu de plongée qui provient du studio Archiact. Donc c'est une très bonne surprise. Alors déjà cash, on va y aller. Le test est déjà paru. C'est une très bonne surprise. Pas très long. Hein. C'est une expérience qui dure environ, on va dire, si on prend son temps, on va dire 2-3 heures, 3 heures maxi. Mais c'est relativement bien foutu globalement. Donc en gros, vous êtes une nageuse confirmée, une très très grande nageuse confirmée qui travaille sur un bateau un bateau d'expérience scientifique. Et ce bateau, ben je ne sais pas pourquoi, un iceberg ou je ne sais quoi, il va couler. Vous vous retrouvez coincé dans le rafio et en fait vous avez à peu près 2 heures ou 2 heures et demie pour vous sortir du rafio parce que lui il coule, donc la pression augmente dans le bâtiment et vous, et ben faut se faufiler de pièce en pièce à l'intérieur du bâtiment pour arriver à en sortir. Niveau tension, c'est super bien foutu parce que niveau musique, c'est rythmé comme au cinéma, je dirais. T'as vraiment des morceaux qui vont pimenter chaque événement. Chaque pièce est un peu différente. Il y a des cadavres, il y a des morts qui flottent au milieu du navire. On se retrouve dans des scènes proches de Titanic, mais version moderne, hein, avec un bateau beaucoup plus moderne. Des parties qui sont encore qui sont pas encore sous l'eau, donc on jongle en permanence entre la surface et pour passer à des endroits, bah, des fois il faut couler, il faut se faufiler entre les tuyaux ou dans les bouches d'aération du rafio pour arriver à passer. Mais en même temps, bah, le bateau il coule, donc le niveau d'eau monte, et puis bon, bah, le plus gros ennemi du jeu, ça reste votre respiration, parce que bah, au moment où tu passes la tête sous l'eau, bah, t'as je sais plus combien, on va dire allez, une ou deux minutes pour reprendre ta respiration, et puis bien sûr il y a des zones où c'est que bah, faut chercher où c'est que tu vas pouvoir respirer. Et sous l'eau, bah, il y a des bouteilles, il y a des machins pour pouvoir se ravitailler en air. Donc il y a ce petit côté stress en claustro, plus. Hein. Non seulement tu es dans l'obscurité, claustrophobie, tu es dans l'obscurité, tu manques d'air. C'est limite chronométré sur certains passages. Voilà, donc tu as tout ce petit mélange qui fonctionne très bien. Et franchement, pour tout ça, c'est une super surprise. Je m'attendais pas vraiment en ce moment à avoir quelque chose qui me plaise autant. Ça fait quelques temps que je suis toujours en train de râler, en train de dire putain, en ce moment les jeux c'est pas top, et bah celui-là franchement il vaut le détour. Il est pas parfait, alors ça c'est mon petit coup de gueule. Le jeu, je lui avais mis 7 sur 10 sur le site, il aurait mérité plus, mais je l'ai quand même un peu taclé par rapport à une chose, c'est son rendu. Donc là, ça pourrait même ouvrir un débat parce que, disons que quand on compare le rendu sur Oculus Quest et le rendu sur PS4 Pro, on a quasiment la même chose. Je crois qu'il est un peu plus beau même sur Quest, il me semble, non, au niveau du rendu de l'eau. Alors j'avais pas le Quest sous la main, j'ai juste comparé un petit peu les deux rendus, mais au niveau de l'eau, ouais, c'est ce qui est le plus flagrant. Au niveau de l'eau, c'est flagrant quoi. Alors il y en a qui vont me dire t'auras jamais un rendu sur Oculus le même rendu que sur Oculus Rift S. Sauf que le problème, c'est qu'il y a d'autres jeux qui ont su nous prouver qu'on pouvait rendre de l'eau plus que bien foutu. Je parle de Paper Beast sur PS4 Pro. Donc là, c'est flagrant. En gros, ils sont partis d'une version Quest qu'ils ont adaptée sur la PS4 et c'est la même version qu'on se tape sur PS4 Pro. Et déjà, là, quand on sait que la PS4 est capable, je sais pas, la PS4, elle doit faire à peu près deux fois la puissance du Quest. Donc c'est un peu dommage d'être bridé par le Quest alors qu'on est sur PlayStation. Donc ça, c'était le petit coup de gueule et c'est ce qui m'a fait rager parce que l'eau, dans ce jeu là l'eau n'est pas transparente, c'est un bloc bleu qui ondule, et donc la Minecraft, on voit les versions PC, on se dit c'est de l'eau un peu le cel shaded quoi, en fait ça fait un peu cartoonesque. Voilà, c'est ça, c'est un voile bleu qui avec quelques effets de mouvement d'eau animé en texture animée sur ce voile bleu, mais c'est pas de l'eau quoi, c'est pas. Alors bon, après globalement ça passe quand on est sous l'eau, je dirais que ça passe, c'est moins choquant, on se rend pas forcément quand on s'amuse à jongler entre la surface et à passer dessous et qu'on voit le niveau de l'eau, là on se dit ah ouais, ça pique un peu. Et ça fout les boules. Ouais, c'est plus pour la forme que pour le fond que tu tacles quoi. C'est plus pour le fait qu'ils aient pas fait une version PS4 Pro que parce qu'il est vraiment moche quoi. En fait, c'est ça que je veux dire. Eh ben, je me demande même s'ils ont pas fait plutôt une version Quest qu'ils ont adaptée telle quelle sur la PS4 classique. C'est fort possible. Parce que même la PS4 qui est... Parce que bon, le Quest, ça reste un téléphone mobile, hein, donc c'est pas plus puissant qu'une Switch. Donc la PS4 Pro qui a déjà 1,8 teraflop, là on parle du Quest 1 teraflop, ils auraient pu faire mieux déjà. Alors je veux bien comprendre que sur PS4, ils n'aient pas pu faire de l'eau transparente comme on peut retrouver sur PC sur Rift S. Ça, y a pas de souci. Mais bon, là ça fait... Ça fait un sacré écart entre une PS4 Pro et un Quest, et se taper une version Quest. C'est juste qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier, c'est d'optimiser. C'est exactement à partir ça. De la version FPS. C'est exactement puis, ça. Voilà, ils sont partis de la low version. C'est pour ça. Pour moi, c'est un jeu qui sur PC mérite. C'est dommage. C'est une expérience. C'est pas un jeu, mais c'est une expérience qui doit être faite sur PC. Parce que c'est bien structuré, ça fonctionne bien, c'est bien rythmé, c'est bien stressant, c'est tout. C'est pas trop long, mais c'est pas trop cher non plus. Donc je sais plus à combien il est, mais je crois qu'il est en dessous de 14€ et des brouettes, je crois, il me semble. 14,99€. Donc globalement, c'est une bonne note sur l'ensemble. Mais alors là-dessus, moi ça m'a fait faire un bond. Quand j'ai allumé, j'ai vu le truc, j'ai dit oh putain, mais c'est pas possible. Et du coup, je suis allé vite voir les autres versions. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient sur PC, ce qu'ils faisaient sur. Et c'est là que j'ai sauté au plafond parce que. C'est un petit peu dommage. Bon, après, comme on disait tout à l'heure avec Séparation, hein, c'est pas la qualité graphique d'un jeu qui en fait sa qualité. En tout cas, si le gameplay est convaincant, si la mise en scène et l'avancée est convaincante et tu te fais pas chier dessus, avec Yeno un petit peu. Non. C'est pour ça que le jeu a 7 sur 10. Regarde No Man's Sky. Ouais. Oui, il est moche. Enfin, il est flou. Mais il est flou, mais il reste jouable et ça reste quand même une sacrée prouesse technique. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il écope un 7 sur 10. Mais son point fort, c'est pas les graphismes, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est le gameplay. Ouais. Un très bon jeu. Un truc chiadé comme Free Diver, franchement, il tapait le 8,5 sans problème. Seb, il a dit Free Diver. Free Diver. Seb, Free Diver. J'ai pas entendu. C'est pour ça que je te le dis, compte sur moi pour balancer les commentaires. Et donc on a un autre invité surprise. S'il y en a qui se posent la question, prenez-le, il est bien. Ok. Voilà. Donc Free Diver. Moi. Putain. Quoi? Attends, je suis pas facile. Non rien. Laisse tomber. Donc voilà, Free Diver, une bonne pioche. Avec une eau fluide, enfin une eau transparente, ça aurait été encore mieux, mais bon, on peut pas tout avoir. Avec une flotte de merde, mais bien. Une flotte de merde, croupie, dégueulasse. Non, même pas, une pas flotte grave. De Minecraft. Ouais, ça n'empêche pas que c'est un bon jeu. Je voulais vous parler d'un petit jeu que l'ami Sébastien, ici présent, m'a fait découvrir quand il est passé à la maison. Et je te remercie. C'est un jeu PCVR qui est sur Steam. qui s'appelle Distance. C'est un petit jeu, on peut appeler ça un petit jeu, hein, je crois. C'est un jeu moyen. C'est un moyen jeu de moyenne catégorie. De moyenne catégorie, voilà. Du studio, donc du développeur qui s'appelle Refract. Et c'est un jeu de course, mais pas que. C'est un jeu de rythme, mais pas que. C'est un jeu d'obstacles, mais pas que. C'est un jeu de chrono, mais pas que. C'est un jeu de musique aussi, mais pas que. C'est un jeu de vaisseau, mais pas que. D'ambiance, mais pas que. En fait, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et c'est trop bien, quoi. Je me suis pris une petite claque. Et surtout, j'y joue extrêmement souvent à ce jeu-là. Grâce à toi. C'est un mélange entre Wipeout, Trackmania. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre encore dedans ? Tumper, tu m'avais dit aussi. Tumper, dans l'ambiance un peu avec la musique des Transunis. C'est un jeu de course du coup. Continue comme ça. C'est un jeu de course. Ah oui ouais. Et non. Mais pas que. C'est un jeu de course. Il va falloir éclaircir tout ça parce qu'on comprend rien. Et ça évolue au fur et à mesure. C'est un peu comme Astrobot, mais en même temps, c'est un jeu d'échecs. Un peu comme Tetris, toi. Non. En fait, Distance, ça s'appelle. Distance. Et en fait, les niveaux, ils sont en continu, si tu veux. Distance, yeah, serial killer. En fait, si tu continues... en fait, t'as les niveaux qui s'enchaînent, c'est... Dans mode histoire. Ah ouais, c'est un petit mix de trolls. Ouais, voilà, aussi. Mais les décors vont changer, les musiques aussi. Mais ça enchaîne, et du coup, t'es plongé là-dedans, t'apprends de nouvelles touches au fur et à mesure, de nouvelles possibilités que tu peux faire avec ta voiture, comme par exemple... Voler un peu comme une DeLorean, tu peux sauter, mais tu peux aussi voler en rappuyant une deuxième fois, hop, la contrôler un peu en mode DeLorean. Mode avion, ouais. Dans des trucs, ou dans des arceaux, ou passer... arceaux ! Ou passer d'un pont à un autre, pardon. Et puis tu peux tourner aussi... tu peux sauter, voilà, changer la gravité. Dans tous les sens, en fonction des plateformes, changer la gravité. Accélérer aussi, t'as un boost qui peut être utile ouais. Parfois. Mais c'est hypnotique en fait, c'est et ça, oui. Tu commences ta partie, tu sais pas c'est quand est-ce que tu vas terminer. Parce que... C'est ça. Un peu trop. Et tu regardes et tu dis, ah j'ai déjà fait autant tant de niveaux, parce qu'en fait ça change de manière assez fluide. Tu vois quand tu changes de niveau parce que tu repasses. Mais c'est comme un Endless Runner. Ça s'ouvre mais ça enchaîne. Non, t'as une option un je crois. Différent. Un mode de jeu, Endless Runner il me semble, que j'ai pas encore essayé. Mais ouais, il y a plusieurs modes de jeu, il y a même un mode multi. C'est pété de mode de jeu. Donc oui, Distance, et surtout moi je voulais en parler déjà parce que c'est une sacrée bonne surprise et une sacrée découverte, mais c'est parce que ça serait complètement jouable et possible de l'avoir sur PSVR, le jeu est sur pas ultra gros. Complètement. Ça serait très bien. Et ça joue en plus à la manette, bon uniquement. Ouais. Oh, c'est génial. En 2029, c'est génial. C'est génial. Mais le truc par contre c'est qu'il faut être bien accroché hein, parce que moi j'ai viré toutes les ouais. aides. On appelle ça de motion sickness. De confort, exactement. Voilà. Mm. Et des fois, tu te fais balader hein, parce que la gravité, le centre de gravité est le même. Justement, ta voiture, elle roule tellement en haut, en bas, sur les côtés. Elle virevolte, elle fait des tonneaux. Quand tu te fais éjecter en dehors de la map. C'est le même principe que Wipeout, mais sans la gravité zéro. Enfin, je sais pas si ton cockpit, c'est des fois quand tu tournes et tout, lui, il bouge pas. T'as un mode spécial. Ouais. C'est une option ça. Mais ça sur, tu l'as pas quoi. Sur Wipeout. Ouais, quand je joue à Wipeout. Ça tu l'as pas. Quand je joue à Wipeout, pardon, je joue toujours avec ça. C'est vrai que sinon si je l'enlève, je subis un peu. Mais donc là j'avoue que si ça y est pas, c'est vrai que ça ouais. Ça doit être compliqué. Bah surtout en fait quand tu bloques à un endroit que tu meurs et que tu recommences 20 fois la manip et que c'est un truc où tu dois te tourner dans tous les sens, au bout de la 20e fois tu commences à avoir la tête un peu qui tourne. Et je voulais ajouter que ce jeu-là peut se jouer en plat aussi d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il est compatible non VR aussi. Tout à fait. Ouais. Exact. Donc super musique, super ambiance. Donc ouais, un petit peu scénarisé aussi. T'apprends au fur et à mesure ce qui se passe et pourquoi t'es là, et etc. Mode multijoueur, plusieurs modes de jeu différents, durée de vie vraiment conséquente. Et puis même c'est un trip, t'y retournes avec plaisir en fait. Il a été rallongé avec le temps. Au début, il n'y avait pas autant de choses. Hein. Le but, c'est quoi amélioré. C'est le scoring ou c'est juste de débloquer les niveaux suivants? Il y a du temps. Tout dépend de ton mode de jeu. Dans le mode histoire, c'est de débloquer le niveau suivant. En général, une course, ça dure quoi quoi, 5 minutes, 6 minutes. Ça dépend, ouais, ça dépend des niveaux. Ça dépend si tu galères sur certains passages. Ça en dépend plus. Si tu galères aussi, ouais. Et je crois qu'il y a, il doit y avoir 16 niveaux, je crois, dans la campagne. Ouais, peut-être bien. Et puis un dernier bonus, il me semble, non? Oui, je crois qu'il y a un dernier bonus. Et puis après, tu as les, ouais, des modes arcade, multi ou autre chrono. Mode chrono, voilà, etc. Avec encore des environnements différents qui sont pas nécessairement dans le mode histoire. Enfin voilà quoi, c'est. Non mais c'est ça a l'air très sympa. Il faut qu'il sorte sur PSVR celui-là. C'est s'il sort sur PSVR, ça sera tous les fans de Wipeout déjà ils vont sauter dessus directement parce que c'est vraiment le même délire. Il y a moyen qu'il plaise. Hein, ouais. Ah, qu'il plaise vraiment beaucoup. On va plus si il a quitté leur contacter, on va les embêter. Il faut écrire au développeur. Il a. Ouais. Ouais, on va les contacter puis on va les harceler en fait. Ouais, c'est clair. Mais oui, il était en early access et il est sorti de l'early access justement. Donc là ils peuvent s'occuper de le sortir sur d'autres plateformes. Non, il y a mais de c'est l'eau possible dedans, que ça arrive. Non, il y a pas d'eau. C'est bon, il peut sortir, il y a pas d'eau. Il y a que des il y a que de l'espace. C'est tout. Donc voilà, distance en tout cas, jetez-y un petit coup d'œil même si vous avez pas de PC. En tout cas, il est même jouable en plat, donc il n'y a pas de raison de passer à côté. Et voilà quoi. Donc Amour sur Distance, qui est un super bon jeu. Et c'est vrai que si on était dans une moto, il y aura un côté Tron, effectivement. Aussi. Et d'ailleurs, il y a des maps un petit peu à la Tron, même complètement. Ouais. Pas dans le mode histoire, mais. Il faudrait qu'il fasse un jeu dans ce genre. Ouais, Tron, c'est vrai. Hein. Ce serait sympa. Un jeu de course Tron en VR, un jeu de course de moto. Bah, y a un jeu un peu d'obstacles, un petit jeu un peu arcade d'obstacles sur PS4, mais non VR. Il pourrait le rendre compatible VR, ce serait déjà un début. Mmh. Mais sinon, un jeu à part entière dans cet univers, ça serait bien cool aussi. Carrément. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent quand on n'est pas développeur et juste joueur. Parce qu'après, les faire, c'est autre chose, hein, je pense. Donc voilà, messieurs, je pense que nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai une grosse news à rajouter... Aspire One VR opérative de Tripwire. Bien vu. Grosse, très très grosse mise à jour. Donc avec beaucoup de choses, des améliorations d'IA, des corrections de bugs, etc. Mais la plus grosse news surtout, c'est enfin l'intégration de la fameuse Vision Aspire, qui était pour moi la plus grosse aberration de ce portage PCVR sur PSVR. Qui donnait le nom, en plus, son nom au jeu, juste ça. Et du coup, enfin, ça y est, ils ont intégré ça. Et comme quoi, c'était vraiment pas compliqué en faisant le même mouvement que sur PC, mais en appuyant sur la gâchette du PS Move de droite, quoi. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc pourquoi ne pas l'avoir mis dès le départ? On ne sait pas, mais bon. Maintenant, en tout cas, c'est là, il y a beaucoup de choses. Pareil, au niveau des menus, beaucoup plus de clarté sur le niveau de difficulté. Donc pas mal de bonnes choses, donc c'est bien. Comme je dis, c'est un peu tard pour ceux qui l'ont déjà fait comme moi, mais c'est bien pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ils auront l'occasion de découvrir un bon jeu, pour le coup, mieux, dans de meilleures conditions. C'est un petit peu dommage, effectivement, quand les jeux ratent le coche de la sortie initiale. Mais surtout quand en tout cas, ils sont bons. Mieux tard que jamais, comme on dit. Hein. Surtout quand ils sont bons. Ouais, et puis il y en a qui font pas beaucoup de pubs avant ou qui n'ont pas l'occasion d'avoir beaucoup de visibilité avant. Et quand ils en ont. Ouais, c'est ça, ils font de la merde. Pour avoir des articles qui démontent le jeu. Bah, il n'y a qu'une gens, forcément, ils les mettent de côté, ils ne retournent plus dessus après. Il n'y a qu'une version. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi, Sébastien, Aspire One. Non, j'ai toujours pas eu de. Non, je me suis toujours pas penché dessus. Mais pourtant, je suis il est très très bien. Sur PC, ouais. Il a de très très bons échos. Et moi, il y a vraiment. Comme j'ai dit dans les tests. Bah, moi, ah, mais en plus, il me branchait, hein, parce que j'avais interviewé les développeurs. Et, vu le démarrage qu'il a eu, je pense qu'il a refroidi pas mal de monde. Alors que maintenant, je serais plutôt intéressé. Bah, sur PSVR, oui. En fait, après, sur PCVR, il a été très bien reçu. Toutes les fonctionnalités sont là. Il n'y a pas de bug. C'est vraiment ce portage PSVR qui était nul à chier, quoi. Enfin, qui n'était pas fini, quoi. Enfin, faut le dire. Hein. Qui a été mal fait, quoi. Donc voilà, grosse, très très bonne nouvelle. Et puis voilà, donc allez-y, lâchez-vous. Et Majo, tu te sentirais, toi, de faire une vidéo de présentation avec le nouveau patch, justement, pour montrer un petit peu les différences? Bah, hormis celle-là, après, c'est surtout dans le gameplay, ça va être des différences d'IA, tout ça. Faudrait que je fasse une comparaison en face à face, mais bon. À travailler, ça peut se faire. C'est à négocier. On verra ça, ça marche. Autre chose, du coup, ou c'est tout bon? J'ai une parenthèse. Tron en VR, il est en arcade, hein, par contre. Il existe en arcade. Ah ouais ? Ouais. Apparemment, y a des salles d'arcade avec 6 ou 7 motos alignées et les types ils jouent en VR dessus. Trop bon. Et ça tombe, c'est celui qui est sur PS4. Faudrait voir. Parce que moi, j'en avais un que j'avais acheté il y a longtemps, un tout petit jeu d'arcade pas cher sur PS4 de justement de parcours entre guillemets d'obstacles à faire pour réussir à finir les niveaux. Et ça tombe, c'est ça qu'ils ont adapté en VR parce que ça s'y prête très bien. Du coup, tu diriges la moto justement. Parce qu'en plus, dans le film, c'est un jeu. Oui, Tron, ouais, c'est d'accord. Ouais. Dans le film, c'est-à-dire que t'as des règles, donc ouais, ça peut carrément s'adapter. Non, et puis c'est le type de jeu qui cartonne à 120 FPS, les doigts dans le nez, ça sur n'importe quelle machine. Ah bah oui. Ouais. Même au début des années 80, ça tournait donc. Ah ouais, ouais. Et puis, je suis sûr que ça peut être sympa, quoi. Tu vois, Rez, c'est trop bien, pourtant c'est que des traits. Ouais, faut aimer Rez, hein. Vraiment. Ah bah, j'ai adoré, c'est notre débat. voilà. Et ben voilà. Je sais, avant l'émission, donc on va pas la refaire. très bien. Et ben, on a fait le tour. Du coup, je pense qu'on va se retrouver du coup maintenant dans 2 semaines pour parler à nouveau du PSVR et de la VR en général. 2 semaines. Tu vas nous faire Total Recall à chaque fois aussi, c'est ça? Pardon. Et puis voilà, donc on remercie nos tipeurs, on remercie bien entendu les auditeurs, ceux qui nous suivent sur Facebook, sur le site, sur le forum, sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur YouTube, sur Spotify, Deezer, PodCloud, iTunes, partout sur Internet. De toute façon, si vous le voulez, vous nous trouverez. On vous dit à bientôt et on vous dit à dans 2 semaines. Et puis, joue bien à la VR. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ciao. Pense la ce qui je trouve pas mes mots non plus, putain, ce soir je galère, hein. c'est ça doit être ça, tu mets la pression, ça va. C'est les reports en fait qu'il y aura au niveau des sorties des consoles, parce que comment est-ce qu'il pourrait garder un planning stable et fixe, quoi. Tu sais, je me demande si je parle ou tu parles. Non, vas-y, je t'en prie. Battez-vous. Fight. Finish him. Ah voilà, ça y est. Joue pas la grosse voix avec lui parce qu'il va te plier. Hein, donc, Ouais. Ouais, j'imagine. J'imagine bien. Bon, reprenons. Bonjour, c'est Jolie. Non, c'est pas ça. Tu pourras couper ça. Hein. Tu disais quoi, ça y est déjà, parce que j'ai oublié. Oui. moi, je pense effectivement que... je pense que c'est déjà une bonne chose. On revient de moins, c'est vrai. On rame un peu ce soir. Putain, j'ai encore oublié le fil. Putain, c'est un truc de fou. putain, ça c'est des virus de Modio, ça. C'est... Moi j'ai lu un article qui disait qu'apparemment... Que j'ai pas encore essayé. Mais ouais, il y a plusieurs modes de jeu, il y a même un mode multi. C'est pété de mode de jeu, mais le mode histoire, on va dire, non, c'est t'as des niveaux, un début, une fin, en plus c'est scénarisé. Putain, le chat qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Bon, je reviens, continue Seb, je reviens. Non, la perruque à Laurent, s'il te plaît. Je reviens. Voilà. Vite, dis un truc dégueulasse sur les blondes. La mère de qui? Pardon. Bon, on en était où? J'en étais où? Sur le chat. Ouais, tu tapais sur le chausson. Tu tapais sur le chat, mais je taperai jamais. Tu vas sur les auditeurs, leur dire que ton chat n'a rien. Chausson de quelle marque, quelle pointure, s'il te plaît? Non. Jamais je lancerai mon chausson sur mon chat. On a des preuves. On l'a tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas de le menacer. Je lui mets le chausson à la gorge. donc oui, distance, et surtout, moi je voulais en parler.